بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونجا الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de ses assises. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. Alhamdulillahi alladhi akramana bihadihi al-majalis wa nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yazidana min fadlih. Wa hadha majlisuna al-khamis inshaAllah fi hadihi al-majalis tadkiriya bi hikami al-sawm wa ahkamihi. Fallahu subhanahu wa ta'ala فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما فرضه على الأمم التي سبقتها. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين عليه الصلاة والسلام. دونك Allah subhanahu wa ta'ala prescrit pour la communauté musulmane, la communauté de Muhammad alayhi salam, le jeûne, comme il l'a prescrit pour les communautés précédentes, comme cela est stipulé clairement dans le verset 183, dans Surat Lavache, dont la traduction approximative nous dit ceci: ô vous qui croyez, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez taqwa. L'obligation du jeûne de Ramadan est passée par 2 étapes. La première étape, ils avaient le choix entre le fait de jeûner ou de nourrir un mendiant pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné, tout en les incitant à jeûner, car c'est plus méritoire que la compensation de la nourriture d'un pauvre. C'est mieux. C'est plus méritoire que le fait de compenser par la nourriture d'un pauvre pour le jour qui n'a pas été jeûné. ففرضيه الصيام مرت بمرحلتين. المرحله الاولى انهم كان عندهم الخيار، الذي يصوم يصوم والذي لا يصوم يطعم عن كل يوم لا يصومه مسكينا. فهذه المرحلة الأولى. وفي هذا الصدد أخرج البيهقي رحمه الله تعالى في السنن قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان، أي فرض رمضان، نزل رمضان فشق علينا، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فأمروا بالصيام. فالصحابي يذكر لك أنه في الأول عندما فرض الصيام شق عليهم، وكان الذي لا يتحمل الصيام يطعم عن كل يوم مسكين. وجاءت الآية تقول: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc en effet, le Bayhaqi rahimahullah ta'ala, dont Sunan, rapporte un hadith fiable où il dit: les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ont transmis le Ramadan quand le Ramadan fut prescrit, mais il ne fut difficile. Celui qui pour chaque jour nourrissait un pauvre délaissait le jeûne. En effet, le Bayhaqi rahimahullah ta'ala, dans Sunan, rapporte un hadith fiable. Les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vu que le compagnon de Muhammad alayhi wa sallam nous ont transmis: le Ramadan fut prescrit, mais il fut difficile. Celui qui, pour chaque jour, nourrissait un pauvre, délaissait le jeûne, surtout s'il le supportait difficilement. Et cela leur était permis. Puis cela fut abrogé par le verset qui dit: mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Et il leur fut ordonné alors le fait de jeûner. La deuxième étape, l'obligation du jeûne sans avoir le choix, et la compensation fut abrogée. والمرحلة الثانية جاءت عين الصيام وفرضه وإيجابه بدون تخيير. في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي يفعل، حتى نزلت التي بعدها، يعني قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Dans les authentiques, Salam ibn Akwa, radiyallahu anhu arda, pour la deuxième étape, qui est l'étape de l'obligation du jeûne, a dit: quand le verset est descendu, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation. Partant de ce verset, celui qui ne voulait pas jeûner, il le compensait par la nourriture d'un pauvre, et cela fut abrogé. Avec la descente du verset qui dit: quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours, à partir de ce moment, le jeûne du mois de Ramadan devint un pilier de l'islam. Il a des fondements solides, conformément à la parole du messager alayhi salam, dont le hadith authentique: l'islam est basé sur 5 piliers. L'attestation de foi que nul n'est digne d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah et le jeûne de Ramadan. فَمِنْ هُنَا أَصْبَحَ de نزول الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم أصبح صيام رمضان فرض واجب وركن من أركان الإسلام بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. والصائم أخ الإسلام يجب أن يصوم لله عز وجل، لا عادة ولا للصحة ولا لأنه موسم الصيام ولا لمجارة المجتمع. ومما لا شك فيه أن فوائد الصيام كثيرة، فالصوم يعود الإنسان على الصبر ويقوي عليه ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه ويوجد في النفس ملكة التقوى ويقويها، وخاصة أن التقوى هي العلة البارزة من الصوم، لقوله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام التقوى، أن يصل الإنسان إلى التقوى، ومعناها امتثال الأوامر بدليل من الكتاب والسنة رجاء ثواب الله، واجتناب النواهي بدليل من الكتاب والسنة مخافة عقاب الله عز وجل. Donc, le jeûneur, frère Allah subhanahu wa ta'ala, doit jeûner pour Allah, et non pas par coutume et par habitude, ou pour se faire une santé, comme ils disent. Il ne doit pas jeûner pour faire comme les gens de sa société. Il ne doit pas dire non plus, comme certains disent quand ils se retrouvent devant des musulmans: j'ai eu l'habitude de jeûner depuis que je suis jeune, donc je continue de jeûner. Ou il ne doit pas jeûner non plus pour faire comme les gens de sa société. Il n'y a aucun doute que dans le jeûne, il y a plein de profits religieux et mondains. Le jeûne habitue le musulman et le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala à l'organisation et à l'union. Et il l'habitue à l'amour du bien pour les autres et à la compassion pour les autres. Et il suscite en lui la piété, la charité, le préserve de la corruption et de la méchanceté. كل هذا في الصوم ظاهر. ومن فوائد الصوم الصحية أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات والرواسب ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن. وحديث صوموا تصح لا يصح، فهو ضعيف، ولو أن معناه صحيح فهو حديث ضعيف لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم له فوائد لا شك في ذلك، حتى أنت ترى اليوم هؤلاء في الغرب وفي الشرق من بعد العلاجات التي يوجهون إليها المرضى الصيام بأن يصوموا أكثر اليوم، وأن يكون الوقت الذي يأكل فيه قليل، ويكون صومه إلى 16 ساعة أو أكثر أو أقل. لماذا؟ لأن الصيام له مفعول كبير في صحة الإنسان. Et du point de vue de la santé, le jeûne assainit les intestins, régénère l'estomac, débarrasse le corps des produits résiduels et soulage de l'emboîtement, la corpulence. Quant au hadith qui dit « Jeûnez, vous allez acquérir la santé », c'est un hadith faible qu'il ne faut pas attribuer au messager alayhi salatu wassalam. Même si le sens du hadith est bon, on n'a pas le droit de l'attribuer à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est un hadith faible. Et depuis quelques années maintenant, on entend parler en Occident et en Orient des jeûnes intermittents, pour se faire une santé, pour guérir certaines maladies. Louange à Allah d'avoir fait de nous des soumis à lui. Il y a plus de 15 siècles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré pour cette communauté le jeûne obligatoire annuellement qui est le mois de Ramadan, et le jeûne surrogatoire mensuel qui est le fait de jeûner 3 jours durant le mois, et le jeûne surrogatoire hebdomadaire qui est le fait de jeûner le lundi et le jeudi, et le jeûne de protection qui est le fait de jeûner 1 jour sur 2, le jeûne de Daoud alayhi salatu wassalam. Falhamdulillahi ala ni'mati l'islam wa ni'mati sunna wa ni'mati tawhid. Faqabla 15 qarnan awjaba Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi l'umma siyam faja'ala laha shahran awjaba fihi siyam wa shahr ramadhan waja'ala laha sunan fi hadha siyam sunan shahriya كصيام 3 أيام من كل شهر، يام صرار الشهر من آخره، أو يام فيسمى بالأيام البيض، أو من أوله، مما شئت يا عبد الله، وجعل لها صياما أسبوعيا من النوافل كذلك، وهو صيام الاثنين والخميس، وجعل لها صياما للتحصين خاصة للشباب، وهو صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. فالحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة منهج السلف رضوان الله عليهم. ونرجع إلى كلام الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره لآيات الصيام، قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه. يقول السعدي رحمه الله أن يطيقون الصيام عليهم فدية، معنى هذا الكلام أن يتحملونه بمشقة لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. فقال رحمه الله وعلى الذين يطيقونها أن يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. وهنا يقول ربنا الطعام ليس النقود، ما ندخل عقولنا هنا المسكين الآن يجب أن نعطيه، لا، من أنت؟ أنت أعلم من الله، فالله شرع الطعام فيجب أن يكون كما أراد الله، العبادة يجب أن تكون كما أراد الله وكما نص عليها في كتابه سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله: على الذين يطيقون أو يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. وهذا في ابتداء الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم. درجهم الرب سبحانه وتعالى الحكيم العليم بعباده بأسهل الطريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما واجبا على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه أيام أخرى. وقيل: وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين. وهذا هو الصحيح. Et nous revenons à l'interprétation du verset du jeûne chez l'imam Sa'di rahimahullah dans son explication du Coran. Et le verset concernant le verset qui dit: mais ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation. Il a dit rahimahullah, une compensation pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné, c'est-à-dire la nourriture d'un mendiant. Et si j'ouvre la parenthèse, il est bien stipulé dans le verset la nourriture, et non pas le substitut de la nourriture qui sont les vêtements ou là qui sont l'argent. Abadan, qui sait mieux ce qui convient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adore avec ce qu'il a légiféré, et non pas avec les passions et les raisons des gens. Quelqu'un, il vient te dire: mais à notre époque, le pauvre n'a pas besoin de nourriture, donc il n'est pas pauvre. S'il n'a pas besoin de nourriture, ça veut dire qu'il n'est pas pauvre. Hein? Allah, il a instauré que ce soit de la nourriture. Là où il a dit de la nourriture, c'est de la nourriture. Là où il a dit les vêtements, c'est les vêtements. Là où il a dit les bêtes, où il a désigné les bêtes à égorger, comme les moutons, les chèvres, les chameaux, etc., c'est ça que ça doit être. Ils n'ont pas, on ne substitue pas à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala autre chose, ni à la parole du messager alayhi salatu wassalam. Donc l'imam Sa'di rahimahullah, il dit une compensation pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné, c'est-à-dire la nourriture d'un mendiant. Ceci a été appliqué au début de la législation du jeûne, quand ils n'étaient pas encore habitués au jeûne. Et son obligation était sans doute difficile pour eux. Allah qui fait les choses à la perfection. En les amenant progressivement au jeûne par les voies les plus faciles. Allah subhanahu wa ta'ala les a amenés à jeûner par les voies les plus faciles. Et il a donné au début le choix à celui qui a des difficultés à jeûner entre le fait de jeûner, et c'est le mieux, ou de nourrir un mendiant par jour non jeûné. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset: et que vous jeûniez, c'est mieux pour vous. Et après, il a fait obligatoire le jeûne pour celui qui le peut, et celui qui a des difficultés à jeûner, comme le voyageur ou le malade, de ne pas jeûner, et de rattraper plus tard. Et concernant le verset: mais ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Il a été expliqué aussi par ceux qui peinent à jeûner de façon insupportable, comme les personnes d'un certain âge. Cela selon l'avis le plus correct. Cela, les personnes âgées qui ne peuvent pas supporter, et les malades qui ne peuvent pas supporter le jeûne, et que c'est difficile pour eux, ben cela a une compensation pour chaque jour. Ils n'ont pas à rattraper. Ils nourrissent pour chaque jour non jeûné un mendiant. Fin de citation des paroles du Sa'di rahimahullah. وثم قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال السعدي رحمه الله: الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم. المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. ثم قال: فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا في تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر أي غير المسافر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة. فهذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم أتت لتنسخ التخيير، والله سبحانه وتعالى بين ما نسخ، وحتى لا يتوهم الناس أن كذلك أنها نسخت كذلك في حق المريض وفي حق المسافر، أعاد الله سبحانه وتعالى الكلام بقوله: ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى. أي هؤلاء كذلك لهم أن يفطروا، وبعد رمضان يقضوا ما فاتهم إذا كانوا في السفر أو كانوا مرضى. ولا تقول الآن الناس تسافر في الطائرة، أنا وأنت من نحن حتى ندخل عقولنا في دين الله؟ 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عليم حكيم، فيعلم أنك ستسافر في الطائرة وتسافر في القطار السريع واواوا. فلا ندخل عقولنا في هذا، هذه طراهات وفلسفات ما أنزل الله بها من سلطان. فالرخصة أعطاها الله للمسافر أيا كان سفره وللمريض كذلك، وهذا فضل من الله ورحمة من الله لعباده المؤمنين. في arrive le verset dans sourate al-Baqarah verset 185 qui dit: ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, c'est-à-dire qui est vivant et qui est présent dans ce lieu de résidence, il n'est pas en voyage, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Sa'di rahimahullah dit concernant ces versets, ce verset: le jeûne obligatoire pour vous est seulement le mois de Ramadan, durant lequel vous êtes comblés avec ce grand bienfait qui est le noble Coran, qui contient l'orientation vers vos intérêts religieux et mondains, et qui donne des éclaircissements sur la vérité et sur le faux, et des éclaircissements sur l'égarement et la guidée, et qui clarifie la situation des heureux et des malheureux. Donc il est important qu'un mois qui a ses mérites et qui est une bienfaisance d'Allah pour vous, d'être une saison d'obligation du jeûne pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit rahimahullah, puis après avoir confirmé le mois, c'est-à-dire après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé le mois, le jeûne du mois de Ramadan, et après avoir mentionné ses mérites et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a spécifié pour le jeûne, le verset dit: quiconque est présent, qu'il le jeûne. Et dans ce verset, il y a la désignation de l'obligation du jeûne pour celui qui est vivant, qui est en bonne santé et qui n'est pas en voyage. L'obligation de jeûner. comme le choix, et comme le choix de jeûner ou de ne pas jeûner et de donner une compensation a été abrogé, Allah subhanahu wa ta'ala a redonné l'autorisation aux malades et aux voyageurs pour ne pas croire que l'autorisation de ne pas jeûner a été aussi abrogée pour eux. Et n'importe quel voyage, n'importe quelle maladie, du moment que la personne peine à jeûner et il a des difficultés, il a le droit de ne pas jeûner. Et après, une fois le Ramadan terminé, ben il rattrape les jours qu'il n'a pas jeûné. Et qu'on ne vient pas immiscer notre raison dans un domaine qui n'est pas le nôtre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait leur capacité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait où il est leur intérêt. Donc ne viens pas me dire qu'aujourd'hui, pourquoi rompre le jeûne en temps de voyage, je prends l'avion, ou là je prends le TGV, etc. Je suis dans le confort, etc. Viens pas. Le voyage est un voyage. Et celui qui a donné l'autorisation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et son messager, alayhi salatu wassalam. Donc, on ne desserte pas dans la religion d'Allah. Hein? La religion, c'est Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'ont pratiqué les nobles compagnons, radhiyallahu alayhim. Certes, celui qui est capable de jeûner, on voyage, il n'y a pas de problème. Mais tu ne viens pas lui dire, il prend le TGV ou là, il prend l'avion. Non, pourquoi tu rompes le jeûne? Tu n'as pas le droit. Il a l'autorisation. Il veut prendre cette autorisation d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on prend, qu'on utilise ces autorisations. فَاللَّهُ يُحِبُّ أَنْ تُخَذَ رُخَصَةً كَيْفَ تَقُلْ لِهَذَا أَنْ تَتَأْخُذْ طَائِرًا لَا تَصُمْ قادر على الصيام يريد الصيام يصوم ما ليس بقادر ما تتحكم فيه أخذ الرخصة والله يحب أن تؤتى رخصه سبحانه وتعالى فلا ندخل عقولنا وأفكارنا في ما سيكون لنا وبالا يوم القيامة. Donc on ne doit pas émisser notre raison et nos passions dans des choses qui vont être contre nous le jour de la résurrection. فقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول السعدي رحمه الله أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطريق الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أشد تسهيل ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله الله تسهيلا آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. Puis le verset dit, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sa'di dit, ce qui signifie, cela signifie Allah veut pour vous les grandes facilités. C'est pour ça, il dit rahmatullah alayh, que tout ce qu'Allah a ordonné à la base pour ses serviteurs est le sommet de la facilité. Et s'il arrive que quelque chose crée la difficulté, Allah facilite encore plus au point de faire tomber l'obligation ou de l'alléger. Et cette phrase, au point de faire tomber l'obligation ou de l'alléger, cette phrase, on ne peut pas la détailler, car ces détails concernent tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et il inclut toutes les autorisations et les allégements. Fin des paroles de Sa'di rahimahullah. فَإِذَا شَقَّ الْأَمْرُ تَقُولُ الْقَاعِدَ مَاذَا الْمَشَقَّةُ تَجْلُبُ التَّيْسِيرُ. إنسان لا يستطيع أن يتوضع بالماء. لا يستطيع. جرح، مرض، كذا. فماذا عليه؟ يتيمم. هذه رخصة من الله. لا يستطيع الصلاة قائما. القيام في الصلاة واجب. ركن من أركانها. ماذا عليه؟ لا يستطيع القيام، والقيام واجب في الصلاة وركن من أركان الصلاة، ماذا عليه؟ يصلي جالس، ما يستطيع، يصلي على جنب، ها؟ وهكذا لا يستطيع الصيام، ها، مريض، ماذا عليه؟ رخص الله. إذا كان المرض مزمن لا يرجى برؤه، ما عليه إلا أن يفدي عن كل يوم إطعام مسكين، ها؟ هذا ترخيص الله، رخص الله، ورحمة الله بعباده. كلما شق الأمر أتى التيسير. Donc en ce qui concerne les autorisations et les facilités dans la législation, ils sont nombreux. Quelqu'un ne peut pas utiliser l'eau pour la purification. Il va rester sans prier. Abadan. Donc même s'il a la janaba, il ne peut pas, son corps, il va tomber malade, il peut juste faire tayammum. Khlas. Il ne peut pas être debout dans la prière. C'est un pilier. Bah, ce pilier, s'il ne peut pas, bah, il tombe. Il peut prier assis ou prier sur le côté. N'importe comment. Et ainsi de suite, les allégements. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. Et donc, la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne doit pas s'y immiscer. شرع الله عز وجل ما ندخل فيه عقولنا. ثم قال عز وجل ولتكمل العدة. قال السعدي رحمه الله وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته وبشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد كما ذهب إليه السعدي رحمه الله تعالى. فأمر بإكمال العدة حتى الإنسان ما يقول إلى سمتير شيء 10 أيام ولا شيء 5 أيام في رمضان رأيك فيه، لا، قال ولتكمل العدة، تجيب هذيك 29 ولا 30 يوم ديال داك الشهر، داك ديال الهلال ديال رمضان، ها، ولتكمل العدة. وبعدها شيتي شكر الله عز وجل، وفيه تكبير الله عز وجل من ليلة العيد عندما يرى هلال شوال إلى الخطبة، خطبة العيد، ها. Et donc on arrive au verset. Et puis le verset qui dit afin que vous complétiez le nombre. Ceci dit Sa'di rahmatullah alayhi, seul Allah sait. Il dit pour que personne ne s'imagine que jeûner une partie de Ramadan est suffisant. Il a balayé cette illusion avec l'ordre de compléter le nombre de jours. Pour que personne ne se dise si je jeûne 10 jours, c'est suffisant. La abadan. Il a balayé cela en disant pour compléter, et ceci pour compléter le nombre. Et il a clôturé le mois de jeûne, l'obligation du mois de jeûne, par quoi? Par la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, par le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? D'avoir, dit Sa'di rahmatullah alayhi, pourquoi remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il a clarifié le jeûne pour ses serviteurs. Et il leur a facilité. Et aussi, pour le clôturer avec la proclamation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la proclamation de la grandeur d'Allah à la fin du jeûne du mois. Et cette proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala commence à la vue du croissant lunaire du mois de Shawwal jusqu'à la fin de la khutbah de l'Eid, comme il a dit Cheikh Sa'di rahmatullah alayhi. قال عز وجل ثم قال ثم قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال السعدي رحمه الله هذا جواب سؤال سأل النبي بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحانه وتعالى لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فتأتي هذه الآيات جوابا لسؤال سأله الصحابة: واش الله قريب باش ندعيه غير بصوت خفيف بدون ما نرفعوا الصوت، ولا بعيد نجهروا في الدعاء؟ فجاء الجواب من رب العزة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي هو الرقيب سبحانه وتعالى، ويشهد كل ويرى كل شيء ويعلم كل شيء ويطلع على السر وأخفى، حتى ديك الخيانة ديالت العين ديالت الغمزة تيشوفها وعارفها. وذاك الشيء اللي مسدود في الصدور وفي القلوب عالم به سبحانه وتعالى. وكذلك هو قريب من ذاك اللي تيدعيه باش تيجاوبه تيستجب ليه الدعاء ديالو. اي arrive le verset et qui dit: si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur je suis proche, qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi. Je suis proche, qu'ils répondent à mon appel. J'exauce le dua de celui qui me demande, et qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi. Ils vont être ainsi bien guidés. Saadi rahimahullah dit concernant ce verset, dit que ce verset est une réponse à une question que certains compagnons ont posée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit: au messager d'Allah, est-ce que notre souverain est proche pour l'implorer en aparté, ou il est loin et on l'implore à haute voix? Le verset est descendu: si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur je suis proche. Car il est subhanahu wa ta'ala, comme dit Saadi, celui qui voit tout, qui observe tout, qui connaît tous les secrets, même les plus cachés. Il connaît la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. Subhanahu wa ta'ala. Et il est aussi proche de celui qui l'implore en exauçant son dua. C'est pour cela qu'il est dit dans le verset: j'exauce le dua de celui qui m'implore. Fin de citation des paroles de Saadi rahimahullah. Et qu'on n'oublie pas que subhanahu wa ta'ala, tout en étant proche de ces créatures, de par sa science, il les voit, il entend tous deux, il sait tous deux, il exauce leur dua, et il est au-dessus du sept cieux, au-dessus du trône qui est au-dessus du sept cieux, subhanahu wa ta'ala. وقال السعدي رحمه الله: والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة عندما تذكر الله، هذا عندما تذكر الله تسبح تكبر كل هذا دعاء عبادة. ودعاء مسألة عندما تسأل الله. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعد بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال سبحانه وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة، ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا دعا الإنسان وقلبه حاضر ليس بلاهن، الدعاء ديالو ذكر الله عز وجل والقلب ديالو حاضر، ها، وتتدبر ذاك الشيء اللي تيقول في الدعاء ديالو، وكان جاب الأدعية المشروعة اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عنده التمانع ديال الإجابة. الموانع الإجابة أكل الحرام وشرب الحرام واللباس بالحرام، هذه من موانع الإجابة. فهذا اللي جاب الأسباب ديال الإجابة الله سبحانه وتعالى وعده بالإجابة، ها، ومن هذه الأسباب الاستجابة لله بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى والإيمان به حق الإيمان. وبهذا يحصل الإنسان لهداية تامة، ها، إذنك لغدي السعدي رحمه الله a dit dans son exégète concernant ce verset, le dua se compose de deux sortes de dua. Le dua adoration, c'est le fait quand tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, ça c'est le dua adoration. Et le dua demande, quand tu demandes des choses à Allah. Et être proche, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala proche, c'est de deux sortes. Proche, de par sa science, il sait tout de ses serviteurs. Il voit tout d'eux. Et ça, c'est en général pour toutes les créatures. Il sait tout d'eux, il les voit, etc. Et proche d'une façon particulière et spécifique, celle-là, il est pour les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui l'implorent uniquement, il les exauce, il les aide, il leur donne la réussite et il les préserve. Donc, celui qui implore son souverain, dit Sa'di rahimahullah, avec un cœur présent, il comprend ce qu'il dit et il est là, présent dans son dua. Non pas il est en train de lever les mains et sa pensée il est ailleurs et son courrier ailleurs. Là, celui qui implore son souverain avec un cœur présent, un cœur qui n'est pas distrait, et avec un dua légiféré, comme le dua que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a rien qui empêche l'exauce du dua, comme le fait de se nourrir avec le haram, de boire le haram, tout ça, ce sont des choses qui empêchent l'exauce du dua. Et il a dit, rahimahullah, Allah a promis l'exauce, d'exaucer le dua, surtout contre le soumis. Réunit les causes de l'exauce du dua, qui est le fait de répondre à l'appel d'Allah et d'être soumis à ses ordres et à ses interdits au niveau de la parole et au niveau des actes, avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala, cette foi qui implique l'exauce. C'est pour ça que dans le verset il est dit qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi, ils seront bien guidés. Ils seront guidés vers la foi, les bonnes œuvres, ils seront débarrassés de l'égarement et éloignés de l'égarement qui est l'opposé de la foi. Car la foi en Allah Azza wa Jal est le fait de répondre à son ordre. La foi en Allah est le fait de répondre à son ordre est une cause pour acquérir la science bénéfique. Comme il est dit dans la traduction approximative du verset 29, dans Sourat le butin, il est dit « Ô vous qui croyez, si vous préservez les droits d'Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. » Fin de citation. « Fahada amrun azim, an yattaqi l'insan Allah, bimtital awamir jinab, yu'tihi Allah furqanan, yufarriqu bihi » بين الحق والباطل بين الهدى والضلال عليك السلام ورحمة الله. ثم قال عز وجل حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، يحرم، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينام، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به فتاب الله عليهم. قال سبحانه: فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم وعفى عنكم ما سلف من التخون، فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك. فهذه الآية يقول السعدي رحمة الله عليه: في أول الصيام كان المسلمون في أول الصيام إذا دخل الرجل غربة الشمس ونام لا يجوز أن يأكل ويشرب إلى غروب الشمس في اليوم الثاني، ولا يجوز له الجماع، لا أكل ولا جماع ولا شرب فالله سبحانه وتعالى بعدها رخص للعباد في الأكل والشرب والجماع في ليلة بعد غروب الشمس من رمضان. وكانوا كان بعضهم يختان فيخلو بامرأته في الليل مع أنه كان ممنوعا، فجاء فتاب عليكم فتاب عليكم ووسع الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر توسع، لولا توسعة الله لكان هذا إثم، وعفى عما سلف سبحانه وتعالى، وأتت الرخصة من الله أن يجامع الإنسان أهله كما جماعا حلالا والحمد لله. Et donc, dans le verset 187, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, « On vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Ils sont un vêtement pour vous. » Ça veut dire, ce n'est pas un vêtement comme tu le conçois concret. « La abadan. » Ils sont un vêtement pour vous, ça veut dire que c'est une quiétude pour vous. Ils sont une quiétude pour vous et vous êtes une quiétude pour elles. Ils n'ont pas, il ne faut pas croire dans le sens vêtement, c'est le tissu. Abadan. On vous a permis la nuit du jeûne, du siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Ils sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant. Et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah clarifie aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Saadi rahimahullah nous dit: au début de l'instauration de l'obligation du jeûne, il était interdit aux musulmans de manger, de boire et d'avoir des rapports avec leurs femmes s'ils s'endormaient avant d'avoir rompu le jeûne. Il a jeûné toute la journée. Il arrive au coucher du soleil, il s'endort, c'est fini. Il ne peut pas manger jusqu'au lendemain, au coucher du soleil de le lendemain. Donc Saadi nous dit, au début de l'instauration de l'obligation du jeûne, il était interdit aux musulmans de manger, de boire et d'avoir des rapports avec leurs femmes s'ils s'endormaient avant d'avoir rompu le jeûne. Ils ne pouvaient rien faire de tout cela jusqu'au lendemain. Et cela était très difficile pour certains. Allah subhanahu wa ta'ala leur a allégé. En leur autorisant durant les nuits de Ramadan de boire, de manger et d'avoir des rapports avec leurs épouses, qu'ils s'endorment ou pas. Certains compagnons, avant cet allègement et avant, avaient des rapports avec clandestins avec leurs épouses, alors que cela était interdit. Fin de citation. Cela nous montre quoi? Cela nous montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois qu'on se retrouve devant une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala, il allège, il donne des autorisations. Chaque difficulté est accompagnée de son allègement. Et méditez cela dans cette histoire détaillée dans le hadith de suivant de Hashim Bukhari de Barra ibn Azib. هذا يدلك على ما داخل الإسلام. هذا يدلك على أنه كلما على أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة وكلما أتت المشقة أتى مع التيسير. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ها؟ ولك أن تتأمل هذا في هذا الحديث الذي أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فقام قبل أن يفطر أي نام فقام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي حتى نهار الآخر. وإن قيس بن سرم الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت رأته نائما قالت خيبة لك خيبة لك وهو نائم. فلما انصرف النهار غشي عليه نهار الآخر مشى يخدم النهار دياله ها غشي عليه أغمي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بذلك فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاء تيسير من الله عز وجل. Donc dans ce hadith de Al-Barra ibn Azib, dans lequel on voit la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit lorsque l'un des compagnons du prophète jeûnait et qu'au moment de la rupture du jeûne il dort avant de le rompre, il ne pouvait plus manger le reste de la nuit, ni la journée, hein, ni la journée du lendemain jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'au coucher de soleil. Qais ibn Sirma, radiallahu anhu arda, qui était un homme parmi l'Ansar, jeûnait, hein, il travaillait en même temps dans le champ. Et au moment de la rupture du jeûne, il vint voir sa femme. Il lui dit, avez-vous de quoi manger? Sa femme lui répondit, non, mais je vais t'en chercher. Comme ce jour-là, il a travaillé, il était fatigué, il ne put s'empêcher de dormir. Lorsque sa femme rentra et qu'il le vit, hein, dans cet état-là, endormi, il lui dit, tant pis pour toi, tant pis pour toi. Vers le milieu de la journée, le lendemain, il s'évanouit. Il s'évanouit, radiallahu anhu arda. Lorsque le prophète l'a pris, le verset suivant fut révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. On vous a permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports conjugaux avec vos femmes. Cela les a rendus très heureux. et fut également révélé, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit. فتأمل رحمة الرحمن الكريم بعباده المطيعين الممتثلين لأوامره كما أراد سبحانه وتعالى. Donc cela fait une grande miséricorde divine, hein, que le compatissant subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, a accordé à ses serviteurs obéissants, qui quand ils entendent les ordres, ils disent « Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir » Hein ?« Ha'oulai alladhina kanu undur rahmatallahi bihim limadha kanu » Hein? يقولون عندما يأتي الأمر والنهي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Et donc regarde cette clémence vis-à-vis de cette génération qui a répondu à l'appel d'Allah, hein? Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a allégé et les autorisations qu'il a données à cette communauté, et comme, parce qu'ils sont, comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est vers toi que sera le retour. Hein? وهكذا يجب على المسلم عندما يأتي الأمر أو النهي سمعنا وأطعنا. ما سمعنا وتفلسفنا وأدخلنا عقولنا فيما لا يهمنا وفيما لا تقدر عليه عقولنا. أبدا. Ici ainsi que doit être le croyant. J'entends, il reçoit l'ordre, il reçoit l'interdiction, j'entends, j'ai entendu, j'oublie. Et pas à commencer à disserter et à ramener, hein, sa raison dans là où il faut pas, où sa raison ne peut rien. وبهذه الرحمة تم تحديد وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Et avec cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a été déterminé le début et la fin du temps du jeûne. La plage du jeûne, elle a été déterminée. Hein? La plage horaire du jeûne. À savoir, à partir de la distinction de la lueur de l'aube véridique jusqu'au coucher de soleil. Hein? وهذه رحمة الله. بهذا, بهذه الرخص, وما جرى للصحب الكرام رضو الله عليهم, آتى الترخيص من الله, وآتى تحديد وقت الصيام من العلي القدير سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وابتغوا ما كتب الله لكم. يقول السعدي رحمه الله انهوا في مباشرتكم لزوجاتكم تقرب إلى الله تعالى, والمقصود الأعظم من الوطئ وهو حصول الدرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي رمضان, فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها, فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال السعدي رحمه الله هذا غاية للأكل والشرب والجماع فيه, أنه إذا أكل أو شرب أو نحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه فصيامه صحيح. فقول الله عز وجل ابتغوا ما كتب الله لكم, أي أن تكون أنت تجامع أهلك وتأخذ لذلك, تكون لك نية صالحة في ذلك, أن تعف نفسك وتعف زوجتك وتطلب بذلك الوطأ, الدرية, ومقاصد النكاح. كذلك مما كتب ليلة القدر في ليالي رمضان. فقال السعدي رحمه الله إياك أن تضيعها بسبب هذه اللذة, لأن هذه اللذة تدركها لا محالة. لكن إذا فاتتك ليلة رمضان وأنت في هذه ليلة القدر وأنت في هذه اللذة خلاص انتهت. ها؟ فقال كلوا واشربوا حتى متى؟ حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هاي من الفجر. ها؟ أي وقف الأكل من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وفيه كذلك يقول السعدي وأئمة العلم، إنسان يظن أن الفجر لم يطلع بعد فأكل وشرب، فإذا بالفجر طلع فلا شيء عليه فيتم الصيام وما عنده شيء. لأن هذا من الخطأ المعفو عنه. Le verset suivant dit « Et cherchez ce qu'Allah vous a prescrit. » Il vous a prescrit avec quoi? Avec les rapports conjugaux que vous avez avec vos légitimes, vos femmes légitimes. Cela veut dire, dit Sa'di rahimahullah, « Ayez l'intention dans vos rapports avec vos épouses de se rapprocher d'Allah. » Prenez ça comme un acte de, pour se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ayez aussi l'intention du grand but du rapport conjugal, c'est le fait d'avoir une descendance. Et ayez l'intention de se préserver et de préserver son épouse. Et ayez l'intention d'acquérir les buts du mariage, les buts du rapport. Et parmi les choses qu'Allah vous a prescrit, la nuit du destin, qui se situe dans les nuits de Ramadan, et il dit, rahimahullah, et il est inconvenable pour vous de vous préoccuper de ce plaisir au détriment de cette nuit. Ne négligez pas cette nuit, ne la ratez pas, car le plaisir est rattrapable, mais la nuit du destin, si vous la ratez, vous ne pouvez pas la rattraper. Et il a dit concernant le verset « Mangez, buvez, jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit. » Il a dit « C'est là la plage horaire pour la boisson, la bouffe, les rapports avec ses épouses. » Et il dit « Il y a là aussi que si la personne mange ou boit autre parmi ce qui est autorisé, en croyant que l'aube n'est pas levé, et que l'aube alors est déjà levée, il n'y a aucun mal en cela, son jeûne est valide. Il n'y a aucun mal en cela, et son jeûne est valide. » فنقف عند هذا الحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.